بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين، وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، آمين. وبعد، فما زلنا في تفسير هذه السورة العظيمة، ألا وهي سورة الشرح، وقد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. Donc nous sommes toujours dans le tafsir de Surat Al-Sharh, hein, la Surat numéro. Là. Là. 94. Et donc on a expliqué le début de la sourate et nous sommes arrivés à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa hadha bisharatun min Allah azza wa jal lir rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama wa li sa'ilil ummah. وجرى على الرسول عليه الصلاة والسلام عسر حينما كان بمكة يضيق عليه وفي الطائف وكذلك أيضا في المدينة من المنافقين، فالله يقول: فإن مع العسر يسرا، يعني كما شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك، وهذه نعم عظيمة، كذلك هذا العسر الذي يصيبك لا بد أن يكون له يسر. Et donc ici il y a la bonne annonce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son messager sallallahu alayhi wa sallam et pour le reste de la communauté. Dans la mesure où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été confronté à la difficulté lorsqu'il était à Mecca et qu'il était oppressé, hein, par les Quraysh, lorsqu'il est parti à Taif, hein, vous savez tous, à Taif, quand il a été pour appeler les gens à l'islam, comment ils lui ont répondu? Avec les insultes et la violence. Et également dans la ville de Médine. Également dans la ville de Médine, il a été éprouvé par qui? Al-Munafiqoun, les hypocrites. Hein, Al-Munafiqoun, je vous rappelle, ce sont ceux qui montrent l'islam, mais qui cache à l'intérieur de quoi? La mécréance. Hein? Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a trouvé trois catégories de gens. Al-Ansar, hein, c'est-à-dire les musulmans, qui l'ont accueilli et qui l'ont supporté, soutenu plutôt, hein, qui sont composés de deux grandes tribus qui s'appellent les Aous et les Khazraj. Ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, c'était Al-Yahoud. Yahoud, qui était à Médine, les Juifs, et qui était composé de trois grandes tribus. Vous les connaissez? Personne? Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu, hein? Qurayza, Banu Qurayza. C'était les trois grandes tribus de Médine, de juifs de Médine. Et la troisième catégorie de personnes qui étaient à Médine, c'était qui? Al-Munafiqoun, hein, les hypocrites. Et à leur tête, qui? Hein? Abdullah ibn Ubay ibn Salul, hein, qui était le chef des hypocrites. Donc il a subi, hein, la difficulté, même à Médine. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: fa inna ma'al usri yusra, Et avec la difficulté, une facilité. C'est-à-dire, tout comme hein, on t'a élargi la poitrine, tout comme on t'a subhanallah, j'oublie le mot. Ton dos, le fardeau était sur ton dos, on t'a ôté le fardeau sur ton dos. Les fautes, on t'a excusé, on t'a pardonné les fautes qui étaient lourdes sur ton dos. Hein, et on a élevé hein, ta mention, et ceci, il n'y a pas de doute que tout ceci sont des bienfaits extraordinaires de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien également, hein, la difficulté qui t'a été, qui t'a touché, hein, la boudini, il est obligatoire que quoi, après celle-ci vient une facilité. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قال ابن عباس رضي الله عنهما عند هذه الآية لن يغلب عسر يسرين وتوجيه كلامه رضي الله عنه مع أن العسر ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين فقال أهل البلاغة توجيه كلامه أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا العسر الأول أعيد في الثانية بأل فأل هنا للأهد الذكري وأما يسر فإنه لم يأتي معرفا بل جاء منكرا والقاعدة أنه إذا كرر الاسم مرتين بصيغة التعريف فالثاني هو الأول إلا ما نظر وإذا كرر الاسم مرتين بصيغة التنكير فالثاني غير الأول لأن الثاني نكرة فهو غير الأول إذن في الآيتين الكريمتين يسران وفيهما عسر واحد لأن العسر كرر مرتين بصيغة التعريف Hein? On va expliquer ça. Bismillah. Nasta'in billah. Inch'Allah. Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, et certes, hein, avec la difficulté, une facilité. Et certes, avec la difficulté, une facilité. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu a dit, hein, comme l'a rapporté l'imam Malik dans le Muwatta, il a dit, hein, une difficulté ne pourra pas prendre le dessus sur deux facilités. Une difficulté ne pourra pas prendre le dessus sur deux facilités. Et ce qui est voulu par sa parole, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, hein, malgré le fait que ici, inna ma'al usri yusra, la difficulté, elle a été mentionnée combien de fois? Deux fois. Et la facilité? Deux fois. Pourquoi Abdullah ibn Abbas a dit une difficulté ne pourra pas prendre le dessus sur deux facilités? Pourquoi? Parce qu'ici, hein, il y a une règle dans la langue arabe, dans le balara. Le balara, on pourrait traduire en français par l'éloquence. Hein, l'éloquence peut-être, la façon de parler avec une bonne éloquence en arabe. Il dit ici la parole, hein, al-usr, elle n'est pas mentionnée deux fois. La difficulté ici, elle est mentionnée qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que al-usr, le premier, la difficulté, al-usr, il y a devant aliflem. Hein, je vous demandais d'être bien être attentif. Ici, aliflem, hein, rend le mot défini, ce qu'on appelle ma'arifa. Si on enlève le aliflem, usrun, c'est nakira, indéfini, une difficulté. Si on rajoute aliflem, c'est la difficulté. Elle devient définie, ma'arifa. D'accord? Et donc ici, dans les règles de l'balara, hein, on dit que al-us, il est mentionné qu'une fois. Pourquoi? Parce que le deuxième al-us, le deuxième, la difficulté, elle revient à la première. Elle revient à la première. Parce que le aliflem ici, on l'appelle l'il-ahd al-dhikri. C'est-à-dire qu'il a déjà été mentionné auparavant. Il a déjà été mentionné auparavant. Donc le premier, al-usr, la première difficulté, comme dans la parole wa kam arsalna ila fil'aun rasula. Hein? Fa'asa Fir'aoun Ar-Rasoul. Ici, Ar-Rasoul, c'est quoi? Les Alif Lam. Ewa, les Ahadith Zikri, Limada. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été mentionné juste avant. Tayeb, Al-Mouim, là, c'est plus dans la langue arabe, c'est peut-être un peu difficile pour le noir arabophone. Mais ici, Al-Ous, la difficulté dans le deuxième verset, c'est la même que dans le premier verset. Alors que Yusr, une facilité, ici, elle est indéfinie. Nakira. Et donc, si elle est répétée encore une fois, Nakira, indéfini, c'est deux, c'est pas la même. Ça, c'est une règle dans la langue arabe. Ou dans l'éloquence arabe. Voilà pourquoi on dit, c'est une difficulté et deux facilités. Femtoum. Un peu technique, mais on essaie de... Apprenez l'arabe, mes frères. Hein, apprenez l'arabe, on ne le répétera jamais assez. Hein, si vous apprenez l'arabe, vous lisez la parole, et c'est comme un bonbon. C'est sucré, c'est doux, c'est mashallah. Hein? Et le problème, quand on n'apprend pas l'arabe, on a ça devant nous, on n'arrive pas à comprendre, c'est difficile, hein, et on est stressé, on est pas stressé, on est frustré. On est frustré, subhanallah. Hein? Le Coran a été descendu en langue arabe. Hein? Il y en a par orgueil ou par kibr. Ah, j'apprends pas. Moi, je suis pas un arabe, j'apprends pas la langue arabe. C'est pas ma langue. J'apprends pas cette langue. Hein? Moi, je suis pas un arabe. Je suis pas un arabisant. Pourquoi, mon frère? Le Coran est descendu en langue arabe. Les plus grands savants de cette communauté étaient, ou parmi les plus grands savants plutôt de cette communauté, ils étaient non arabes. Al-Bukhari n'était pas un arabe. Muslim n'était pas un arabe. Hein? Sibawi, un des plus grands chiirs de la langue arabe, n'était pas arabe. Hein? Et on peut en citer comme ça pendant des heures et des heures. Même As-Sahaba, Salman al-Farisi, n'était pas un arabe. Hein? Suhaib al-Rumi n'était pas un arabe. Bilal, il n'était pas un arabe, etc., etc. Mais il parlait la langue arabe, parce que c'est la langue du Coran et de la Sunna. Et comme on citait les savants et à leur tête, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il est obligatoire d'apprendre la langue arabe. Pourquoi? Parce qu'il était obligatoire de comprendre le Coran et la Sunna. Et le seul moyen pour comprendre le Coran et la Sunna, c'est de comprendre la langue arabe. Et donc la cause qui amène au but a le même jugement que le but. Donc si le seul moyen de comprendre le Coran et la Sunna, c'est la langue arabe, et comprendre le Coran et la Sunna est obligatoire, forcément apprendre la langue arabe est obligatoire. Al-Muhim, on ferme la parenthèse. فإن مع العسر يسرا هذا الكلام خبر من الله عز وجل وخبره جل وعلا أكمل الأخبار صدقا ووعده لا يخلف فكلما تعسر عليك الأمر فانتظر التيسير أما في الأمور الشرعية فالظاهر ففي الصلاة صل قائما فإن لم تستطيع فقاعدا فإن لم تستطيع فعلى جنب فهذا تيسير إذا شق عليك القيام اجلس إن شق عليك الجلوس صل وأنت على جنبك وفي الصيام كذلك إن قدرت وأنت في الحضر فصم وإن لم تقدر فأفطر إذا كنت مسافرا فأفطر وفي الحج كذلك إن استطعت إليه سبيلا فحج وإن لم تستطع فلا حج عليك بل إذا شرعت في الحج وأحصرت ولم تتمكن معه من إكمال الحج فتحلل وافسخ الحج واهدي لقول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصلتم فما استيسر من الهدي. Et donc cette parole فإن مع العسر يسرا, et certes, avec la difficulté, une facilité, ceci est une information, une information de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et son information, Jalla wa Ala, fait partie, ou est la plus parfaite et la plus complète des informations, et qui est parfaite, qui est véridique totalement et parfaitement. Et sa promesse n'est jamais trahie. Donc chaque fois que tu te retrouves dans une difficulté, chaque fois que tu es dans une affaire difficile, alors attends quoi? Attends la facilité. Quant aux affaires de la religion, ça c'est clair, c'est évident, c'est visible. Par exemple, la prière. Tu pries debout. Si tu peux pas, qu'est-ce que tu fais? Tu pries assis. Hein? Il y a une difficulté, tu peux pas prier debout. C'est quoi la facilité? Tu pries assis. Si tu peux pas prier assis, tu pries allongé sur le côté. Ceci donc est une facilité. S'il t'est difficile de prier debout, assis-toi. S'il t'est difficile de prier assis, alors couche-toi et prie couché. Également dans le jeûne, si tu peux jeûner et que tu es résident, tu es chez toi, alors jeûne. Si tu ne peux pas, alors romps ton jeûne. Si tu es en voyage, romps ton jeûne. C'est une facilité. Également pour le hajj. Si tu peux faire le hajj, physiquement et financièrement, alors fais le hajj. Mais si tu ne peux pas, alors il n'y a pas de hajj pour toi. C'est une facilité. Et même si tu as commencé le hajj, puis ensuite tu es empêché de le faire, tu es empêché de le compléter, alors quoi? Alors tu te désacralises. Et ton hajj est annulé et tu sacrifies ta bête. Hein, comme le prophète, comme Allah Azza wa Jal mentionne dans le Coran au sens approché, hein, et compléter le hajj et la umrah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous êtes empêché, alors sacrifiez, hein, votre bête comme vous le pouvez. Ou de la manière facile pour vous. Idhan, kullu usrin yahduthu lil insan fil ibada yajidu tashil wal yusr. C'est-à-dire que dans chaque difficulté qui se produit pour l'être humain ou pour la personne dans l'adoration, il trouvera quoi? Il trouvera une facilité, une aisance. Comment vous... La ikra fid din. Hein? Pas de contrainte en religion. Tu ne peux pas prier debout, prie assis. Tu ne peux pas jeûner, t'es malade, romps ton jeûne, etc. Dans chaque adoration, il y a la facilité après la difficulté. وكذلك في القضاء والقدر يعني تقدير الله على الإنسان من مصائب والضيق عيش والضيق الصدر وغيره لا ييأس فإن مع العسر يسرا والتيسير قد يكون أمرا ظاهرا حسيا. On va voir ça après. Également dans tout ce qui est le destin, le décret, la prédestination. Hein, c'est-à-dire la prédestination qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétée pour l'être humain dans les épreuves qu'il lui donne. Hein, comme par exemple une vie qui est difficile. Hein, une vie qui est faite de difficultés. Ou alors une oppression au niveau de ta poitrine, etc. Ou autre que cela. Hein, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Si ta vie est difficile, tu connais la pauvreté, tu connais la maladie, ne perds pas espoir, c'est le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache que après, ou sache que avec la difficulté, il y a quoi? Une facilité. Également, la facilité peut être dans une chose apparente, ni concrète. Par exemple, an yakun al-insan faqiran fatudayyiqu alayhi al-umur. فييسر الله له الغناء ومثال آخر إنسان مريض يتعب يشق عليه المرض فيشفيه الله عز وجل فهذا أيضا تيسير حسي. Et donc, par exemple, la personne est touchée par la pauvreté, hein, et les choses, hein, lui deviennent contraignantes, lui devient difficile. Hein, il l'oppresse, cette pauvreté, et ce qui entraîne les conséquences de cette pauvreté, hein, l'oppresse, lui est difficile. Et ensuite, Allah Azza wa Jal lui ouvre les portes et lui donne la richesse. Combien de personnes ceci est arrivé? Peut-être même vous-même, vous pouvez attester de cela. Peut-être une personne qui était dans la difficulté, dans la pauvreté, et Allah Azza wa Jal, après cela, lui a ouvert les portes et lui a donné la richesse. Combien? Des centaines, des milliers, des millions, des milliards de personnes sont passées par là. Ou également, une personne qui est malade et qui est fatiguée. La maladie le fatigue. La maladie, hein, est difficile sur lui. Puis ensuite, Allah Azza wa Jal le guérit. n'y a pas de doute que ça, c'est une facilité concrète. Et ça, on l'a tous vécu. Hein? Allahu alam, si quelqu'un peut dire j'ai jamais été malade de ma vie, je ne pense pas que ça existe. Hein? On a tous eu des maladies plus ou moins grandes. Même une petite maladie, des fois tu es fatigué, tu es dans ton lit, tu as la grippe. Hein? Et après, Allah te guérit. Après cette difficulté, la facilité. وهناك تيسير معنوي وهو معونة الله الإنسان على الصبر هذا التيسير فإذا أعانك الله على الصبر تيسر لك العسير وصار هذا الأمن العسير الذي لو نزل على الجبال لدكها صار بما أعانك الله عليه من الصبر أمرا يسيرا وليس اليسر معناه أن ينفرج الشيء تماما فقط اليسر أن ينفرج الكرب ويزول وهذا يسر حسي وأن يعين الله الإنسان على الصبر حتى يكون هذا الأمر الشديد العسير أمرا سهلا عليه نقول هذا لأننا واثق بوعد الله. Également, il y a une facilité au sens figuré. Comme par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala aide l'individu à la patience. Ça, c'est une facilité. Ça, c'est une facilité, même si elle n'est pas visible, dans la mesure où Allah ne t'a pas donné une issue favorable encore dans ta difficulté. Mais il t'a donné quoi? L'aide dans quoi? Dans la patience. Donc, visuellement, concrètement, tu n'es pas sorti de la difficulté, mais tu as été touché par une facilité dans la mesure où Allah t'a facilité la patience. Ceci est une facilité. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala t'aide à endurer, à patienter, alors ceci est une facilité dans ta difficulté. Et la chose difficile devient, hein, cette chose difficile, si elle était descendue sur les montagnes, elle les aurait détruites. Eh bien cette chose, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la patience, elle devient comment ? Facile. Elle devient facile. Et elle n'est pas facile au sens de que tu sors ou que tu trouves une issue favorable à cette difficulté, complètement. Mais hein, elle devient facile, pourquoi ? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a aidé ou a aidé l'individu à patienter sur cette chose difficile, cette chose compliquée. Et donc elle devient une chose facile pour toi. Et on dit que cela, pourquoi ? Parce qu'on a, hein, on a cru, hein, à quoi ? À la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Quand tu es touché, par une difficulté, pense à ce verset. Ou pense à ces deux versets. Pense à ces deux versets et attends la délivrance d'Allah Azza wa Jal. Et on a déjà mentionné le hadith que vous connaissez tous. Quelle est étonnante l'affaire du croyant. Dans toute chose, il y a un bien. S'il est touché par une difficulté, il patiente et ceci est meilleur pour lui. Et s'il est touché par, hein, une bonne chose, hein, il remercie Allah et ceci est meilleur pour lui. Dans tous les cas, on a gagné. Le croyant, dans tous les cas, il gagne. Dans toutes les situations, il est vainqueur, il est gagnant. Au contraire du mécréant. Mécréant, c'est l'inverse. Le mécréant ou l'injuste ou l'hypocrite, c'est l'inverse. Quand il est touché par une difficulté, hein, il insulte Allah. Il s'en prend à Allah. Il tombe dans l'alcool. Il tombe dans la fornication. Il tombe dans l'injustice. Il tombe dans la violence, etc., etc. Quand il est touché par une facilité, moi j'ai fait, c'est grâce à moi, c'est mes mains qui ont gagné cela, c'est moi qui a eu ça, c'est moi le meilleur, etc. Dans les deux cas, il a fait l'opposé de ce qu'on lui demandait. Allah al-musta'an. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il termine, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cette sourate, hein, en mentionnant ces deux versets, ay idha faragta min a'malika fansab li 'amalin akhar. C'est-à-dire, si tu as terminé, si tu termines une de tes œuvres, alors, hein, dirige-toi ou, hein, concentre-toi sur une autre œuvre. Yani it'ab li 'amalin akhar. لا تجعل الدنيا تضيع عليك. ولهذا كانت حياة الإنسان العاقل ولهذا كانت حياة الإنسان العاقل حياة الجد وحياة الجد. كلما فرغ من عمل شرع في عمل آخر. وهكذا لأن الزمان يفوت على الإنسان في حال يقظته ومنامه وشغله وفراغه، يسير ولا يمكن لأحد أن يمسك الزمان، ولو اجتمع الخلق كلهم ليوقفوا الشمس حتى يطول النهار ما تمكنوا. فالزمان لا يمكن لأحد أن يمسكه. Et donc ici, il nous dit, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, donc dès que tu as terminé une de tes œuvres, hein, concentre-toi sur une autre œuvre. C'est-à-dire, fatigue-toi, dépense-toi dans une autre œuvre, dans un autre acte. Hein, ne rends pas cette dunya, ou ne fais pas en sorte que cette dunya te fait perdre du temps. C'est pour ça qu'on dit, hein, que la vie de la personne qui est censée, c'est une vie de quoi ? De labeur, c'est une vie d'effort. C'est une vie d'effort. À chaque fois que tu termines une œuvre, alors il commence une autre œuvre. Ainsi est la routine de la personne. Parce que le temps passe. Et la personne, hein, le temps, yani, passe devant lui. Que ce soit lorsqu'il est réveillé ou lorsqu'il dort, lorsqu'il travaille ou lorsqu'il a du temps libre. Hein, l'individu, il passe. Il traverse ce temps. Et il est impossible qu'une personne retienne le temps. Même si tous les êtres humains de la Terre... On est combien en ce moment sur Terre? Ils disent 7 milliards. Ou plus, moins, Allah alam. Hein? Si les 7 milliards d'êtres humains se réunissaient, avec tous les scientifiques, les prix Nobel, les prix de mathématiques, ou de physique, hein, les plus grands scientifiques... Tout le monde se réunit et dit, on va arrêter le soleil pour que la journée elle soit un peu plus longue. Pour que la journée, hein, elle dure pas 24 heures, mais elle dure par exemple 36 heures. Afin qu'on ait plus de temps. Wallah, ils pourraient pas le faire. Ils arriveraient pas. Personne ne peut arrêter le temps. Personne ne peut stopper le temps. Donc le temps, hein, il avance. Voilà pourquoi tu dois rendre ta vie une vie d'effort, une vie de labeur. إذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر. Si tu termines une œuvre, alors concentre-toi sur une autre œuvre. إذا فرغت من عمل الدنيا عليك بعمل الآخرة. Si tu as terminé une œuvre de la dunya, tu as fini ton travail. Alors concentre-toi sur une œuvre de l'akhira. Apprends le Coran, apprends la science, fais des prières, donne des sadaqa. Hein? وإذا فرغت من عمل الآخرة اشتغلت بأمر الدنيا فإذا قضيت الصلاة يوم الجمعة فانتشر في الأرض وابتغي من فضل الله وصلاة الجمعة يكتنفها عملان دنيويان يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني وأنتم مشتغلون في دنياكم فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Et donc lorsque tu termines, hein, ton œuvre ou ton travail de la dunya, concentre-toi sur ton travail de l'akhira. Et si tu finis ton travail de l'akhira, tu seras occupé par ton travail de la dunya. Comme par exemple Yom al-Jumu'ah. Lorsque la prière de Yom al-Jumu'ah, hein, prend place. Alors Allah il dit quoi quand elle est terminée? Qu'est-ce que vous faites, hein? Dispersez-vous, cherchez le mot. Dispersez-vous sur la terre et recherchez les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, nous dit au sens approché. Parce qu'avant ça, il nous dit, hein, que la prière de Jumu'ah, elle est entourée par les œuvres de la dunya. Avant le Jumu'ah, tu travailles. tu t'arrêtes, tu pries le Jumu'a. Après le Jumu'a, tu vas retourner au travail. Elle est entourée d'avant et après. Avant, c'est quoi? Les œuvres de la dunya. Ensuite, tu te concentres sur les œuvres de l'akhira. Ensuite, tu te concentres sur les œuvres de la dunya. Hein? Ton temps, il est toujours perpétuellement occupé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sens approché, ô vous qui avez cru, si on appelle à la prière le jour du vendredi, c'est-à-dire, et vous, vous êtes occupé à travailler dans la dunya, hein? Alors hâtez-vous au rappel d'Allah et délaissez les négoces, hein, délaissez le travail. Ceci est meilleur pour vous, si seulement vous saviez. Et lorsque la prière est terminée, dispersez-vous sur la terre et recherchez les faveurs d'Allah. فَإِذَا فَرَغْنَا مِنْ شُغُلْ اِشْتَغَلْنَا فِي آخَرْ وَإِذَا فَرَغْنَا مِنْهُ اِشْتَغَلْنَا فِي آخَرْ وَهَاكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْإِنسَانْ دَائِمًا فِي الْجِدْ. Et donc, lorsqu'on termine un travail, hein, on s'occupe avec un autre. Lorsqu'on finit celui-ci, on s'occupe avec un autre, etc., etc., etc. Ainsi doit être l'individu toujours dans l'effort, toujours dans, hein, la recherche des œuvres et des actes. Subhanallah, il est triste aujourd'hui qu'on voit des musulmans, hein, passer leur temps du matin au soir assis dans les rues à discuter de rien et de tout et de rien, à boire des cafés, à boire du thé, hein, à jouer au domino, aux cartes, voilà, je ne sais quoi. La prière, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ils sont là, ils continuent à jouer, ils ne prient pas, ils ne travaillent pas. Ils passent leur temps à regarder le foot ou à regarder je ne sais quelle série télévisée ou je ne sais quoi. Leur temps passe et ils ne profitent nullement de leur temps. On va essayer de finir. Il reste combien de temps? 7. Alhamdulillah, on finit la sourate. فَإِذَا قَالَ قَائِلْ لَوْ أَنَّنِي إِسْتَعْمَلْتُ الْجِدْ فِي كُلِّ حَيَاتِي La ta'ibtu wa malaltu. Si quelqu'un vient nous dire, d'accord, si je travaille, aussi j'occupe mon temps dans l'effort et dans le labeur, toute ma vie, je vais être fatigué, je vais être éreinté. Qu'est-ce qu'on lui répond? Qulna inna istirahataka li tanshiti nafsik wa i'adati an-nashat yu'tabar shughulan wa amalan. On lui dit quoi à cette personne? On lui dit que ton repos que tu prends afin, hein, de reprendre des forces, hein, afin que ta motivation, que ton énergie revienne, ceci, ce repos-là, est considéré comme un travail, comme une œuvre. يعني لا يلزم الشغول الحركات ففراغك من أجل أن تنشط تنشط أن تنشط للعمل الآخر يعتبر عملا المهم أن تجعل حياتك كلها جدا وعملا. C'est-à-dire que le travail, les œuvres, les actes n'impliquent pas forcément que tu dois bouger dans tous les sens. Hein, ne demande pas de courir à droite, à gauche, etc. Non. Hein? Le temps libre que tu as et que tu te reposes afin de reprendre de l'énergie, afin de retrouver la force, ceci est considéré comme quoi? Comme une œuvre. C'est considéré comme un effort. Vous comprenez? Al-Muhim, le plus important, c'est que vous rendez votre vie entière dans quoi? Dans l'effort et dans les œuvres. Fahimtoum? Wa ila rabbika farghab. يعني إذا عملت الأعمال التي فرغت منها ونصبت في الأخرى فارغب إلى الله عز وجل في حصول الثواب. C'est-à-dire, le dernier verset, hein, si tu as travaillé, si tu as œuvré avec ces œuvres-là, puis tu as terminé, ensuite tu t'es concentré sur d'autres œuvres, etc., alors désire, hein, ou souhaite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, de quoi? La récompense qui en découle. وفي حصول الأجر وفي الإعانة كن مع الله عز وجل قبل العمل وبعد العمل. قبل العمل كن مع الله تستعينه عز وجل وبعده ترجو منه الثواب. Donc désire toujours, hein, recevoir la récompense d'Allah, recevoir le salaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, recevoir l'aide d'Allah azza wa jal, soit toujours avec Allah azza wa jal. Avant ton œuvre, avant ton acte et après ton acte. Comment avant ton acte? Avant l'œuvre, avant ton acte, tu es avec Allah en recherchant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, comment tu es avec Allah après l'œuvre, après l'acte? En espérant sa récompense subhanahu wa ta'ala. وفي قوله إلى ربك فارغب فائدة بلاغية إلى ربك متعلقة من حيث الإعراب بالغب وهي مقدمة عليها وتقديم المعمول يفيد الحصر يعني إلى الله لا إلى غيره فالغب في جميع أمورك وثق بأنك متى علقت رغبتك بالله عز وجل فإنه سوف ييسر لك الأمور وكثير من الناس تنقصهم هذه الحال أي ينقصهم أن يكونوا دائما راغبين إلى الله فتجدهم يختلوا كثيرا من أعمالهم لأنهم لم يكن بينهم وبين الله تعالى صلة في أعمالهم. Et ici, quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il est Rabbi kafarghab, encore une fois, il y a un enseignement dans l'éloquence de la langue arabe. La parole il est Rabbi ka, et vers ton Seigneur, ou auprès de ton Seigneur, est rattachée à quoi? Farghab, et désir, Et il a été avancé. Normalement, dans la langue arabe, on a dit farghab ila rabbika. Mais là, on a avancé ila rabbika avant le verbe. Et si on avance donc al ma'moul ici, avant le verbe, qu'est-ce que ceci nous implique? Implique al hasr. Yani, c'est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour personne d'autre. Comme quel verset que tout le monde connaît et on avait déjà expliqué? Iyyaka na'budu. Normalement, c'est quoi? Ou normalement, yani, on dit na'buduka, on t'adore. Mais si je dis na'buduka, on t'adore, peut-être na'buduka wal ashjar wal ahjar wal asnam, mais si je dis iyyaka na'bud, c'est là on a fermé la porte, c'est impossible qu'on adore autre qu'Allah parce qu'on a avancé le ma'moul, d'accord, devant le verbe. Je pense que les arabophones comprennent. Pour les francophones, c'est peut-être un peu plus difficile. Al-Muhim, c'est ça qui est voulu ici. C'est-à-dire que seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, on attend, on désire la récompense. Et à personne d'autre. Dans toutes nos œuvres. Dans toutes nos œuvres, si tu raccroches ton désir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il te facilitera toutes tes œuvres. Et beaucoup de gens ont un manquement dans cela. Beaucoup de gens, malheureusement, ils ont un manquement. Ils ne sont, leur cœur ou leur personne n'est pas rattaché tout le temps dans le désir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le fait de rechercher la récompense et le salaire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu les vois négligents dans leurs œuvres. Et tu vois qu'il n'y a pas entre eux et entre Allah ce lien dans leurs œuvres. Wallahu al-musta'an. Et avec ça, on a terminé bifadlillahi subhanahu wa ta'ala l'explication de surat al-sharh. Elle était petite, cette surat, en termes de taille. Mais regarde, on a passé trois cours complets sur l'explication parce que Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il a beaucoup expliqué et il est sorti un peu du sujet pour essayer de toucher nos cœurs, essayer de nous faire une mo'iva, une exhortation sur beaucoup de choses. Donc j'espère que ceci sera compris et appliqué par nos frères et nos sœurs. Jazakumullahu khairan et bi'idhnillah, demain, la semaine prochaine, nous commencerons surat الدحاء والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك